France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de la catastrophe ferroviaire de la gare de Lyon en juin 1988. Le vendredi 27 juin de cette année-là, en début de soirée, la France découvre les images d'un terrible accident de train survenu dans l'hall de la gare de Lyon, dont celui dont partent les trains de banlieue. Privé de ses freins, le conducteur de l'un de ces fameux convois en acier que l'on surnomme les Petits Gris abandonne sa cabine de conducteur et se réfugie dans la rame de fond entassée avec une dizaine de voyageurs apeurés. Au terme d'une course folle, le train percute de plein fouet un train stationné à quai et bondé de passagers prêts à commencer le week-end. La collision, d'une extrême violence, provoque la mort de 56 personnes et en blesse 57 autres. Dans un chaos que les secouristes peinent à décrire, des centaines de personnes se retrouvent prises au piège d'un amas de tôles et d'acier. Durant toute la nuit, pompiers et médecins se relaient pour sauver tous ceux qui peuvent l'être et parfois réaliser des opérations chirurgicales à bord même des carcasses des deux trains qui se sont percutés. Cet accident, qui a profondément marqué l'opinion publique, est en réalité la conséquence d'un enchaînement de petites causes et événements qui aujourd'hui encore paraissent totalement improbables. Au terme d'un procès qui ne retiendra que la responsabilité d'employés, qui semble avoir été dépassé par la tournure des événements, l'histoire retiendra la première condamnation tout de même à de la prison ferme d'un employé de la SNCF. Et cela, sans aucune mise en cause d'un responsable de l'entreprise publique. Notre invité aujourd'hui, Michel Chevalet, journaliste scientifique. Il est à l'époque envoyé par sa rédaction pour couvrir ce qui reste la plus meurtrière des catastrophes ferroviaires de ces 50 dernières années en France. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gaspard Valu, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Cette fin d'après-midi du lundi 27 juin 1988 est de celle qui enveloppe Paris d'un voile d'autant plus agréable qu'il est rare. Il fait beau, il fait chaud et pour beaucoup les vacances d'été se profilent à l'horizon. Dans sa cabine de conducteur de train, Daniel Solin effectue la liaison entre Melun et Paris. Un trajet qui doit durer un peu moins d'une heure, la routine. Seule nouveauté, les horaires d'été sont venus modifier le trajet habituel. Le train 153-944, ce tortillard qui d'ordinaire est omnibus entre Melun et Paris, ne s'arrête désormais que dans quelques stations, Corbeil-Essonnes et Maisons-Alfort notamment. Parti à 17h38 de Melun, les 40 premières minutes de trajet se passent normalement. Le contrôleur, Jean-Charles Beauvais, navigue entre les wagons. Mais à l'approche de la gare du Verne-Maison, située à moins de 10 km de Paris, le signal d'alarme se met à sonner et le train s'immobilise. Dans sa cabine, le conducteur a à peine le temps de jeter un œil dans le rétroviseur qu'il aperçoit une silhouette sortir d'un wagon et se faufiler dans la gare. En même temps, l'événement n'a rien d'exceptionnel. C'est même assez fréquent, racontent plus tard les personnels de la SNCF. Pas plus paniqué que cela, donc, le conducteur descend de sa cabine et réarme le système d'alarme. Cette procédure est strictement codifiée et ne doit prendre que quelques minutes. Mais aujourd'hui, elle est anormalement longue. Finalement, au bout de 26 minutes interminables, les deux agents parviennent à faire redémarrer le train. Ça tombe mal. En ce vendredi soir, le hall de banlieue est bondé, les retards s'accumulent. Les aiguilleurs demandent donc à Daniel Solin de ne pas effectuer l'arrêt prévu en gare de Maisons-Alfort et de filer droit vers Paris, là où justement un train à quai est prêt à partir. André Tanguy, le conducteur, est assis à son poste, mais aucune trace du contrôleur. De son côté, Daniel Solin accélère. À 2 km de la gare de Lyon, et alors que son train file à près de 100 km/h, un signal lumineux lui indique qu'il est temps de ralentir. Une précaution nécessaire en vue de la descente abrupte qui mène vers la gare de banlieue située en sous-sol. Mais sa manette de frein ne répond pas. Alors, affolé, il contacte le bureau des aiguilleurs et il hurle « Arrêtez, arrêtez tout, je n'ai pas de frein !» Dans le bureau des contrôleurs, c'est la panique qui s'installe. Derrière son micro, l'aiguilleur de la gare de Lyon répond « Conducteur sans frein, identifiez-vous » Je répète, conducteur sans frein, identifiez-vous immédiatement. Mais Daniel Solin est déjà hors de sa cabine. Après avoir actionné le signal d'alarme générale, qui retentit dans toutes les cabines des conducteurs de train à proximité, il sort de sa cabine et court à l'arrière du convoi, entraînant avec lui tous les passagers qu'il croise sur son passage. À 19h09:30, le train pénètre dans le tunnel descendant vers la gare de banlieue. Au bout se trouve le train d'André Tanguy, qui, en apercevant les phares face à lui, comprend instantanément ce qui va se produire. Il s'est alourdi et d'une quarantaine de blessés, 15 morts et 40 blessés. Dernières informations, dernières images que nous avons pu recueillir de nos équipes sur place avec Hervé Brusini. C'était effroyable, disent tous les témoins. Des morts, des blessés. À 19h04, ce train de banlieue s'apprêtait à partir pour Maison Alfort, mais après une minute, les voyageurs de ces voitures se sont sentis comme happés vers l'arrière. Une rame arrivant de Corbeil-Melun à grande vitesse venait de s'encastrer dans les wagons de queue. Violence de l'impact, les flancs de la motrice tamponneuse sont découpés sur plusieurs mètres. À 7h de la journée, les trains étaient bondés. De nombreux voyageurs dans le convoi qui attendait le départ ont vu arriver l'autre train. Ils n'ont eu que le temps de s'échapper. Dans les secondes qui suivent la collision, le hall de banlieue de la gare de Lyon sombre dans le chaos. Après une immense explosion que beaucoup prennent alors pour un attentat, un nuage de poussière noire envahit la gare. Et des cris s'échappent de la main de tôle et d'acier, des visages et des silhouettes ensanglantées commencent à s'extirper des deux carcasses de train imbriquées l'une dans l'autre. Quelques minutes seulement après l'accident, les secours sont mobilisés. Pompiers, SAMU, Croix-Rouge arrivent et active le plan d'urgence prévu en cas de catastrophe ferroviaire, le plan Acifer. Et c'est l'apocalypse. Récit du sapeur-pompier Laurent Vibert dans le documentaire de Clémentine Arnaud intitulé « Hors de contrôle, collision à la gare de Lyon » produit par Kappa et diffusé sur RMC Découverte en 2017. On ne sait pas vraiment où on va. Il y a de la fumée qui se dégage. Des gens qui s'affairent, des premiers secours qui sont déjà en place. C'est une scène de guerre quand on arrive. Vous n'avez pas de fuite du regard, vous êtes dedans en permanence. Vous tournez à droite, à gauche, vous regardez vers le haut, vous êtes dans un volume fermé, et vous avez l'horreur, vous avez la mort, vous avez la détresse, vous avez les odeurs, vous avez le bruit des machines, le bruit des disqueuses. Vous êtes dans un environnement qui est complètement hostile. C'est plus la vie. Les secours se mettent en place et lancent une opération au nom de code dramatiquement de circonstances, désincarcération. Oui, il faut désincarcérer des corps pris au piège de deux trains qui se sont percutés de plein fouet. Le train fou, piloté par Daniel Solin, est arrivé si vite qu'il a éventré sur près de 18 mètres les premiers wagons bondés du train qui lui faisait face. Mais la situation du terminal de banlieue de la gare de Lyon complique la tâche, déjà très difficile des secours. Pour s'y rendre, il faut parcourir les longs couloirs souterrains. Située au sous-sol de l'imposante gare parisienne, la gare de banlieue est basse de plafond et ne dispose que de 4 voies en cul-de-sac. Et, pour ne rien arranger, la collision s'est produite sur l'une des voies collées au mur. Si bien que les pompiers ne disposent que d'un seul accès pour tenter d'atteindre les blessés. Impossible de passer ni par-dessus, ni par un côté. Alors, c'est à grand renfort de chalumeaux et scie électrique que les secours parviennent petit à petit à désosser les deux trains encastrés. Sur le parvis, à l'extérieur de la gare de Lyon, un balai d'ambulances et d'hélicoptères assure le transport des premiers blessés vers les hôpitaux de la région parisienne. Mais face à l'urgence de la situation, et surtout face à la gravité de certains cas, les secours sont parfois dans l'obligation d'agir sans attendre. On fait alors descendre des dizaines de tables des restaurants de la gare, on y installe les blessés pour lesquels les minutes sont comptées. Le long du quai également, les secours viennent en aide aux nombreuses victimes encore bloquées dans le train. On leur parle à travers les vitres brisées, on tente par tous les moyens de les garder éveillés, on ne les laisse pas tomber. Une situation chaotique qui nécessite des mesures parfois radicales, comme le raconte Laurent Vibert, le pompier, dans le documentaire de Clémentine Arnaud. Rencontre, on a quand même une cinquantaine de blessés à traiter, donc on fait aussi du secourisme, on fait du bouche à bouche, on fait du massage cardiaque, on aide aussi les chirurgiens à opérer dans le train, à faire des amputations pour pouvoir sortir les gens, pour essayer de les sauver, puisqu'ils sont bloqués dans des amas de tôles. L'opération de secours dure près de 24 heures. Et lorsque finalement une locomotive parvient à tirer la motrice du train fou et l'extirper des wagons éventrés, c'est à peine si l'on sent les secours soulagés. Non, parce que l'heure du bilan est venue, et ce bilan, qui n'a cessé de croître durant la nuit, s'annonce terriblement élevé. Le lendemain, près de 16 heures après la collision, le chef des opérations prend la parole devant les médias. Bon, mesdames, messieurs, il est 12h10. Nous venons de tracter la motrice du train provenant de Melun, ce qui vient de nous permettre de découvrir au minimum 5 corps supplémentaires, ce qui fait un bilan de 50 morts sur les lieux. J'ajoute à ce bilan qu'il y a eu 32 blessés dégagés par les secours des sapeurs-pompiers comme ceux du SAMU ou d'autres services publics. Parmi ces 32 blessés, il y avait 15 blessés graves. Il faut ajouter à ce total 10 à 15 blessés légers qui ont pu partir d'eux-mêmes dès le début de l'accident. There's a place I know where the train goes slow, where the sinner can be washed in the blood of the Lamb. There's a river by the trestle, down by Sinner's Grove, down where the willow and the dogwood grow. You can hear the whistle, you can hear the bell, from the halls of heaven to the gates of hell. And there's room for the forsaken if you're there on time. You'll be washed of all your sins and all of your crimes. If you're down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there where the train goes slow. There's a golden moon that shines up through the mist, and I know that your name can be on that list. There's no I for an eye, there's no tooth for a tooth. I saw Judas Iscariot carrying John Wilkes Booth. He was down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there by the train. He was down there where the train goes slow. Well, I've never asked forgiveness, and I've never said a prayer, never given of myself, never truly cared. I've left the ones who love me, and I'm still raising Cain. I've taken the low road, and if you've done the same, meet me down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there where the train goes slow. Down there by the train, down there by the train. down there by the train. Down there by the train. Down there where the train. Affaires sensibles. Go slow. Fabrice Drouel. Dès le lendemain de la catastrophe, et alors que les derniers corps ne sont pas encore sortis des décombres, le bilan s'élève donc déjà à au moins 50 morts et autant de blessés. Mais une question est sur toutes les lèvres. Comment une telle catastrophe a pu se produire? Les médias, comme les autorités, tentent alors de retracer le fil des événements, de refaire le trajet du train pour comprendre. Mais c'est d'abord l'arrêt impromptu en gare du Vert de Maison qui attire l'attention. Erreur ou acte malveillant? Les journalistes s'interrogent. Si l'on reprend l'ordre chronologique, le train s'est arrêté une quinzaine de fois sur le trajet. Officiellement, rien à signaler. C'est à Vert de Maison, 8 km avant le terminus, qu'une personne malveillante aurait alors actionné le signal d'alarme. Cela aurait bloqué le freinage automatiquement solidaire. Il est impensable, selon les techniciens de la SNCF, que l'ensemble alarme et frein se soit enclenché sans intervention humaine. Entre cet arrêt imprévu et la gare de Lyon, 8 km, un trajet presque normal, rien à notre connaissance n'ayant été signalé par les manomètres. La réponse à la question est d'une dramatique banalité. Quelques jours après l'accident, la responsable se rend aux autorités, consciente peut-être que son geste irréfléchi est bien l'élément déclencheur d'un dramatique enchaînement de petites causes qui a mené à l'accident. Elle s'appelle Odile Miroir. C'est une jeune mère de famille de 22 ans. Montée à bord de la rame pour aller chercher ses deux enfants à l'école, elle ne réalise pas que les horaires d'été modifient les arrêts. Et ce n'est que lorsqu'elle voit les gares défiler par la fenêtre qu'elle comprend que son train ne s'arrêtera pas à Vert de Maison. Paniquée à l'idée de manquer la sortie d'école, elle se lève de son siège et actionne le signal d'alarme. En quelques secondes seulement, elle disparaît derrière les portes de la gare. Eh bien, c'est ce geste inconscient qui est le déclencheur d'une série de causes qui provoquera la catastrophe coûtant la vie à 56 personnes et en blessant 57 autres. Un enchaînement de circonstances que l'enquête doit déterminer. Beaucoup d'interrogations après la tragédie de la gare de Lyon. Le bilan est lourd, 59 morts, 32 blessés, dont une quinzaine dans un état très grave. Trois enquêtes ont été déclenchées, judiciaires, ministérielles et internes à la SNCF. Une plainte contre X a été déposée. On recherche le mauvais plaisant qui a tiré l'alarme en gare de Vert de Maison, immobilisant la rame pendant 26 minutes, désorganisant ainsi le trafic banlieue. Un geste irréfléchi qui est à l'origine du drame. Après cet incident, tout a basculé. Le système de freinage ne répond plus. Une triple enquête, donc, qui doit déterminer en priorité les responsabilités de l'accident. Car pour les autorités, il faut réagir. Cette catastrophe ferroviaire est la plus grave qu'ait connue la France depuis plus de 40 ans. Alors c'est d'abord le profil du conducteur qui est passé au crible par la commission d'enquête. Car son profil interpelle. Entré à la SNCF à l'âge de 14 ans, Daniel Solin, 44 ans, est un agent reconnu et apprécié de sa hiérarchie d'ailleurs. Il aurait récemment pu passer aux commandes d'un TGV, fleuron de l'entreprise, l'élite des conducteurs. Mais non, pour rester près de sa famille, ce cheminot décide de continuer à travailler sur le réseau de banlieue, aux manettes de ces trains que l'on surnomme presque affectueusement les petits gris. Malgré ce profil au-dessus de tout soupçon, l'enquête révèle pourtant qu'il commet une série d'erreurs fatales. La première survient lors de la remise en route du système d'alarme après l'arrêt en gare de Vert de Maison. Alors qu'il peine à le réarmer, il manipule maladroitement le robinet de la conduite générale des freins qui alimente en air comprimé l'ensemble du système de freinage du convoi. Cette manipulation n'est pas anodine, car en réalité, le conducteur a isolé la rame motrice des sept autres wagons. Et lorsqu'il parvient finalement à repartir, après avoir purgé le système de frein des wagons, que son train de 300 tonnes ne dispose que d'un huitième de sa capacité de freinage. Une erreur dont il ne mesure les conséquences que lors de sa tentative de ralentissement 2 km avant l'arrivée en gare de Lyon. C'est ce qu'explique Michel Chevalet, interrogé dans le documentaire « Hors de contrôle, collision à la gare de Lyon ». À ce moment-là, il s'aperçoit qu'on sent que la rame pousse. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle enrayer, C'est-à-dire que le freinage n'est que sur la motrice, il y a 280 tonnes qui poussent derrière, les roues se bloquent, manque d'adhérence, elles glissent sur les rails. Elles glissent, et puis là, c'est la panique. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Pourtant, à ce moment-là, rien n'est encore perdu. C'est un peu plus loin sur le trajet que le destin tragique du Moulin Paris précise. Là encore, le conducteur enchaîne les erreurs. Alors qu'il se rend compte qu'il n'a plus de frein, il panique. Il prend contact avec le poste d'aiguillage, mais il oublie de s'identifier. Le résultat est dramatique. Les contrôleurs savent qu'un train est en détresse, mais ils ne savent pas lequel. Et à cette heure-là, ce sont plus d'une dizaine de convois qui circulent aux abords de la gare. Et la situation empire. Le bouton d'alarme générale que Daniel Solin actionne au même moment provoque l'alerte de l'ensemble des conducteurs présents dans la zone et les oblige automatiquement à s'arrêter. Immobilisés sur les voies, ils cherchent tous à savoir ce qui se passe et contactent un poste d'aiguillage noyé sous les appels. Lui-même ne sait toujours pas quel est ce maudit train qui roule à toute allure vers la gare souterraine. Mais ce n'est pas le seul effet de ce bouton d'alarme. Lorsqu'il est actionné, l'ensemble des systèmes automatiques de sécurité se désengagent, notamment celui qui aurait dû aiguiller le train fou vers une voie dégagée, mais qui ici n'a pas fonctionné. L'autre interrogation majeure pour les enquêteurs, c'est pourquoi le convoi 153-951, stationné sur la voie numéro 2, a eu ce retard fatal. Dans ce train à destination de Maison-Alfort, seul André Tanguy, le conducteur, est alors à son poste. Et face au drame qui s'apprête à frapper de plein fouet la gare de Lyon, il y restera jusqu'au moment de l'impact avec le train fou, hurlant sans relâche dans les haut-parleurs pour que ses passagers évacuent les rames. C'est en réalité André Fouquet, le contrôleur, qui est en retard et qui empêche le train de prendre le départ. Et comme l'enquête le révélera par la suite, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Les aiguilleurs le cherchent et pendant de longues minutes, le train reste bloqué dans l'attente que le contrôleur se manifeste. De longues minutes, durant lesquelles les passagers continuent de remplir des rames déjà pleines, dessinant de tragiques destins. Comme le raconte une femme rescapée de la catastrophe, interrogée sur son lit d'hôpital. Évidemment, s'il n'y avait pas eu de retard, il y aurait eu moins de monde dans ce train. Là, du fait du retard, il y avait peut-être l'équivalent de deux trains dans un seul train. C'est pour ça qu'on était nombreux. Il y avait une petite grand-mère qui était montée avec sa petite fille et qui avait été s'asseoir vraiment au fond, donc elle était contre la motrice. Je pense qu'elle n'a pas pu en sortir. Je ne la connaissais pas, mais enfin, j'ai pensé à cette petite fille. J'ai beaucoup d'enfants et... C'est l'image que vous garderez. Au terme de cette enquête, 4 personnes sont mises en examen pour homicide et blessures involontaires. Daniel Solin, d'abord, à qui l'on reproche une mauvaise gestion de cette situation de crise. Odile Miroir, ensuite, pour avoir questionné le système d'alarme du train. Mais il y a aussi André Tollens, le chef régulateur de la gare de Lyon-Banlieue, qui, dans la panique du message de détresse, n'a pas réagi de façon adéquate. Il y a enfin André Fouquet, le contrôleur du train à quai, dont le retard lors de sa prise de poste aura les conséquences que l'on sait. Après 4 ans de procédure, le procès de la catastrophe de la gare de Lyon s'ouvre le 18 octobre 1992 devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris. 3 cheminots, une passagère, vont aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris répondre de leur responsabilité dans la catastrophe de la gare de Lyon. Le 27 juin 88, le train Melun-Paris, dont les freins ont lâché, percute un autre convoi de voyageurs qui s'apprêtait à quitter la gare. Le bilan est lourd, 56 morts et autant de blessés graves. Vincent Guérard. 4 personnes se retrouvent aujourd'hui sur le banc des accusés comme responsables présumés de l'accident. Ces 4 personnes vont être jugées pour homicide et blessures involontaires. La CGT Cheminot, qui s'est constituée partie civile, mettra sans doute en cause, je cite, la politique de rentabilité de l'entreprise aux dépens de la sécurité. Partie civile également dans ce procès, les familles des 56 victimes qui veulent comprendre ce qui s'est passé le 27 juin 88. 56 morts pour lesquels les familles de victimes attendent aujourd'hui des juges qu'ils apportent des réponses, mais aussi et surtout qu'ils établissent des responsabilités. Rapidement, les audiences s'enlisent dans de laborieuses analyses techniques. Minutieusement, les juges s'attachent à décortiquer le tragique enchaînement de causes qui mènera à la catastrophe du 27 juin. Les manquements du conducteur, d'abord. N'aurait-il pas pu actionner le frein secours, appelé frein réostatique, qui est certes déconseillé d'utiliser, mais qui, dans cette situation précise, aurait pu sauver des dizaines de vies? Pourquoi ne s'est-il pas identifié auprès des aiguilleurs? Que s'est-il passé en gare de Vert-de-Maison? Puis, c'est au tour du contrôleur du Paris-Melun de répondre de ses retards à répétition, et notamment de celui du 27 juin. Enfin, c'est à André Tollens, l'aiguilleur, de justifier son manque de réactivité. Mais pour beaucoup, y compris pour les victimes et leurs familles, il y a comme un goût d'inachevé. Car pour elles, il manque quelqu'un sur le banc des accusés, un dirigeant de la SNCF, qui en tant qu'entreprise doit elle aussi répondre des nombreuses défaillances survenues ce 27 juin 88. C'est ce que confirme le porte-parole de l'Association des familles des victimes devant la salle d'audience. Ces personnes-là n'ont pas été désignées par l'instruction et en nous refusant un supplément d'information, on dit qu'on n'essaiera pas de les désigner. Et donc demain, ces personnes-là peuvent dormir sur leurs deux oreilles et peuvent être tranquilles, elles peuvent s'estimer irresponsables et demain ça recommencera. Car si les fautes commises par les différents protagonistes sont réelles, les dysfonctionnements internes à l'entreprise sont tout aussi flagrants. Comment les nombreux systèmes de sécurité ont-ils pu faillir à ce point? Pourquoi les dirigeants de la SNCF n'ont-ils pu envisager qu'un tel scénario puisse se réaliser? Pourquoi n'ont-ils jamais imaginé qu'un homme puisse être faillible? Plusieurs éléments révélés lors de l'enquête interrogent donc sur la responsabilité de la SNCF et de ses cadres. La première d'entre elles est le non-fonctionnement des bandes magnétiques. Ces bandes sont les véritables boîtes noires du train. Grâce à elles, les enquêteurs auraient pu connaître toutes les raisons de l'accident, mais elles n'avaient pas été changées depuis plus de 2 mois. Il y a aussi les haut-parleurs de la gare, qui sont endommagés et inutilisables, alors même qu'il fallait appeler à l'évacuation d'urgence. Et c'est enfin la question de la gestion d'un réseau de trains de banlieue surchargés qui est posée. Ces fameux petits gris, qui pour beaucoup ont plus de 20 ans d'âge, sont-ils fiables? Mais le procès n'apportera pas de réponse à ces questions pourtant fondamentales. Malgré des demandes formulées par les parties civiles, aucun des cadres de l'entreprise ne sera mis en examen. Cette absence des mises en cause de la société fait tâche, et elle fâche les familles de victimes et leurs représentants, à l'image de Gilbert Collard, leur avocat, au micro de France Inter. On a le sentiment qu'il y a une justice de caste. Et pour les victimes, pour les pères et mères des victimes, c'est un sentiment terrifiant d'insatisfaction. La démocratie judiciaire, ça ne peut pas être des inculpés sur mesure. C'est forcément un procès général à l'intérieur duquel les petits et les grands, avec chacun leur salaire, chacun leur responsabilité, viennent s'expliquer. Trop facile aujourd'hui de retenir dans les liens de la prévention, comme on dit, ceux qui finalement sont les plus fragiles. C'est un peu écœurant. Pour quelles raisons les responsables de la SNCF devraient être présents à ce procès? Mais parce qu'ils ont le pouvoir de décision, mais parce qu'ils ont le pouvoir d'organisation, mais parce qu'ils sont payés, confortablement installés, pour réfléchir, pour raisonner, pour donner des directives. Enfin, depuis quand sanctionne-t-on le soldat et absout-on le général, enfin? Convoqué à la barre, Philippe Rouvillois, président de la SNCF au moment de la catastrophe, et qui démissionnera quelques semaines plus tard suite à un énième accident survenu en gare de l'Est, expose sa vision des choses et dit: en conscience, et du fait de la complexité de la genèse de l'accident, ni moi-même, ni la SNCF ne pensons que nous devons avoir un sentiment de culpabilité. Cela ne veut pas dire que je ne ressens pas une responsabilité morale, ni que j'ignore le drame humain, ni la consternation qui nous a étreint. Voilà, c'est dit, je compatis, mais je ne suis pas responsable. Au terme de ce procès et d'une procédure d'appel qui traînera jusqu'en 1995, Daniel Solin, le conducteur du train, est condamné à 4 ans de prison, dont 6 mois ferme. Une première dans l'histoire de l'entreprise de chemin de fer française. André Fouquet et André Tollens, le contrôleur en retard et l'aiguilleur de la gare de Lyon, sont eux condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Enfin, Odile Miroir, la jeune femme qui est à l'origine de l'arrêt en gare du Vert-de-Maison, est relaxée. Le nouveau PDG de la SNCF, Jacques Fournier, successeur de Philippe Rouvillois, qui est venu témoigner lors du procès, assure, lui, que l'entreprise a su tirer les leçons de la tragédie. Au Aujourd'hui, de cet accident, il ne reste plus de traces. Seulement un mémorial discret installé dans le hall de banlieue de la gare de Lyon. Un mémorial devant lequel des milliers de passagers continuent de passer chaque jour, mais qui sans doute ont oublié le drame qui s'est joué ici il y a bientôt 32 ans. À la suite de cette catastrophe, de nombreuses mesures ont été prises. Les petits gris qui ont marqué l'imaginaire de millions de franciliens ont progressivement laissé la place à des trains plus modernes, plus sûrs. Et le terminal de banlieue de la gare de Lyon a été profondément modifié pour éviter que cette tragédie ne se reproduise. Mais avec de nombreux accidents survenus depuis, comme le tragique déraillement d'un train Bretigny-sur-Orge en 2013, qui coûta la vie à 7 personnes, mais aussi les récurrentes questions liées aux passages à niveau, tout comme les lignes secondaires réputées peu sûres, la question de la sécurité ferroviaire continue de se poser régulièrement. Si tu cherches à qui la faute, c'est juste un accident. C'était un jour comme un autre. Tu sais bien qu'on n'est jamais trop prudent, mais le temps que ta vie te saute, c'était déjà l'accident. Pourtant tu faisais attention, tu connais bien le genre. Pourtant t'as perdu la raison, le temps de l'accident. Les autres ont dit c'était évident, et t'aurais dû t'attendre au pire, avec son rentre dedans. T'as du mal à t'en souvenir, t'as même oublié son signal. T'aurais mieux fait de le fuir, au lieu de foncer cheveux au vent. Tant tu faisais attention, tu connais bien le genre. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'accident de la gare de Lyon, dont nous allons parler avec notre invité Michel Chevalet. Bonjour. Bonjour. Journaliste scientifique, vous êtes l'homme grâce à qui un truc technologique auquel on ne comprend rien devient tout de suite très clair. Et ça, pas forcément de rapport à ce que, avec ce que nous venons de raconter, mais généralement vous avez la passion de la pédagogie. On ne rend passionnante que les choses pour lesquelles on est soi-même passionné. Exactement. Alors, vous êtes rendu à la gare de Lyon lors de ce soir du 27 juin 1988, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes. Vous avez réussi à aller jusqu'au train. Oui, par un concours de circonstances. Disons que les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Je crois qu'à l'époque, on n'avait pas les cellulaires. Il fallait dans un bistrot demander un coup de rouge. Et il y a une cabine, on peut appeler. Vous voyez, c'était oui. Ça. Et en fait, je crois que dans ma voiture, j'avais un Radiocom 2000. Vous savez, c'était. Je me souviens de Radiocom 2000. Vous avez connu ça. C'était lourd comme un cheval mort. C'était la valise, oui. C'était la valise. Et j'ai entendu donc. qu'il y a eu un accident très grave de chemin de fer, et chemin du retour en voiture. Et donc, je me suis dirigé vers la gare de Lyon. Il devait être pour moi à peu près 21h. Oui, donc, une heure et demie après l'accident. Voilà, une heure et demie après. Et donc, bien entendu, barrage, évidemment, non accès, même avec la carte de presse, c'est ce que je comprends très bien, on ne pouvait pas accéder. Et bon, je connais assez bien le milieu ferroviaire, puisque j'ai fait beaucoup de stages de conduite, étant élève ingénieur, on fait des stages dans l'industrie. Et donc, j'en avais fait à la SNCF et j'ai appris à conduire des trains. Voilà, j'ai une culture, je suis un ferrovipage, voilà. Il n'y a pas que l'espace qui me passionne, il y a aussi le chemin de fer. Et donc, sur place, je retrouve l'un des cadres de la SNCF, qui est l'un des pères du TGV, enfin Jean-Marie Messler, qui a participé à la mise au point des rames d'essai, et je vois Jean-Marie, et Jean-Marie, bon, en tant que cheminot, pouvait accéder, étant tout de même un cadre de la SNCF. Et là, je lui dis, attends, moi je voudrais aller voir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on on savait pas. On savait qu'il y avait un accident très grave dessous, on voyait les secours, mais on ne savait pas ce qui s'est passé. Il me dit, c'est dans la gare souterraine, c'est le RER, vous pouvez tout imaginer. Et là, il m'a dit, bah, écoute, viens avec moi. Et donc, on a franchi le barrage, et je suis descendu. Donc, après les couloirs, dans la foule, avec les secours. Et là, j'avoue que le témoignage dit, c'est une vision de guerre, vision de l'apocalypse. Oui, voilà, j'ai dit apocalypse. Absolument. Je crois que le mot n'est pas trop fort, malheureusement. Pourquoi très rapidement, la rame qui a percuté, pensez qu'on est dans un tunnel. Ouais. La rame percutée, elle, qui était à l'arrêt, a reculé d'une vingtaine, une trentaine de mètres sous le choc. Et bien, l'autre rame est venue monter sur l'autre. Et comme elle a tapé sur le toit du tunnel, enfin, c'est une gare souterraine, elle est retombée sur la motrice qui a perdu, elle l'a écrasée et a joué le rôle d'ouvre-boîte. C'est-à-dire qu'on avait les parois qui étaient ouvertes comme un ouvre-boîte. Et là-dedans, vous entendez des hurlements, parce qu'il y avait encore des gens gravement blessés, des vitres éclatées. Et là, j'avoue que c'est une vision horrible. Et puis surtout, ce sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez rien faire. Il faut laisser les pompiers, il faut laisser les secours, il faut laisser les disqueuses, il faut laisser les médecins travailler, les chirurgiens qui opéraient. Il y avait des tables. On opérait les gens sur des tables. Enfin, c'était une vision de guerre. Ouais, la guerre, vraiment. Une vision de guerre. Et là, j'avoue que j'ai peut-être manqué de courage, mais je crois que je me sentais mal à l'aise d'être témoin, d'être impuissant, d'être voyeur. Et c'est horrible. Et donc là, je suis remonté à la surface, où là, j'ai retrouvé à ce moment-là l'équipe, c'était La Une, à l'époque, c'était pas encore TF1, pour faire le reportage et apporter, mon témoignage. Alors vous qui connaissez bien justement les trains, les chemins de fer français, j'ai aucune raison objective de le dire, enfin je pense que c'est un réseau ferroviaire plutôt bien organisé. Oui, enfin, mais qui est bien. Voilà, donc c'était presque anachronique cet accident, quand t'avais appris ça. C'était incompréhensible, tel qu'on le décrivait, d'un train qui rentre en gare à toute vitesse et vient percuter un autre à l'arrêt. On se dit, mais enfin, il y a les systèmes de sécurité, il y a les signaux, il y a des freins. C'est impossible, quoi. C'est impensable. Et en fait, vous l'avez très bien souligné dans votre récit, il y a eu un enchaînement de causes indépendantes les unes des autres. C'est ce que les Suisses appellent le trou de gruyère. Je m'explique. Vous mettez des tranches de gruyère les unes contre les autres. Il y a très peu de chances pour que vous ayez un trou enfilé avec un autre trou. C'est-à-dire de pouvoir passer le doigt, si vous voulez, d'un bout à l'autre. C'est ce qu'on appelle le trou de gruyère. Eh bien oui, il y a un moment où la probabilité est très faible, où ça se produit. Eh bien là, ça s'est produit. Eh bien, je résume très rapidement. Voilà un train qui s'arrête, qui ne devait pas s'arrêter. On tire le signal d'alarme. Le conducteur est excédé, parce que ça s'est déjà produit sur cette ligne. Et il va réarmer le signal d'alarme. Et pour réarmer le signal d'alarme, il va entre la motrice et les trois remorques. C'est des éléments qui sont... Il y a quatre éléments. Une motrice, trois remorques et attelé derrière. C'était un UM. Il y avait aussi motrice, trois remorques. Il y avait huit voitures. Et donc, sur la paroi de la motrice, à l'arrière, il y avait les robinets. Il y a un robinet. On tire une poignée pour réarmer, réenclencher le signal, parce que les freins se sont serrés. Donc, il faut desserrer les freins. Ça, c'est donc, pour repartir, tout simplement. Voilà, vous allez voir. Et vous allez voir, justement. Mais, juste à côté, il y a un robinet d'isolation des freins. C'est-à-dire que les freins sont alimentés en air comprimé à 7 bars, 8 bars, par le compresseur de la machine, et il y a des tuyaux entre les rames, vous le voyez, qui délivrent l'air comprimé jusqu'au bout. Et là, il a fermé ce robinet. Vous voyez, il y a eu, dans la panique, mauvaise manipulation. Et donc, il a réenclenché le signal d'alarme, et mais il s'est aperçu, il s'est dit, mais tous les freins des rames sont... On regarde les sabots, les roues, mais ils sont bloqués. Eh ben, je vais dégonfler ce qu'on appelle ma rame. Et pour dégonfler la rame, il faut purger les réservoirs d'air. Et donc, il y a une tirette, là, pchit, pchit, pchit, pchit, il dégonfle sa rame. Il a dégonflé sa rame. Donc, vous voyez, ça, c'était encore logique. Mais, quand on fait cela, attention, il y a les procédures de sécurité. Si on repart, il faut d'abord que j'avertisse le régulateur, enfin le coordinateur. Attention, je purge une rame, je vais être en, il va falloir un appui frein. Deuxièmement, je ne peux rouler qu'à 30 à l'heure. Or là, il est reparti à 70 à l'heure. Vous voyez, il a oublié. Mais c'est fou. C'est fou d'oublier quand même. C'est fou. Eh bien oui. Ou alors, il fallait demander ce qu'on appelle la détresse. On demande qu'une autre rame vienne s'accoupler à l'arrière et joue le rôle de rame frein. C'est-à-dire qu'on peut rouler, mais c'est l'autre qui va freiner le convoi. Et le convoi, c'était, je vous ai dit, 280 tonnes. Or là, il y a la motrice, seule la motrice, qui était freinée. Et quand il est arrivé à l'entrée de la gare, et là, c'était l'enchaînement affreux, c'est en déclivité à 43 pour 1000, c'est-à-dire c'est des voies de montagne, hein, c'est une forte déclivité. Il était en haut à 30 à l'heure, il est arrivé en bas à 70 à l'heure, parce qu'on était en déclivité. Et manque de peau, le train qui devait partir n'est pas parti pour les raisons que vous avez expliquées. Donc vous avez une série d'enchaînements. Et puis, dernier point, la mauvaise gestion par les liaisons sol-train, c'est-à-dire les radios. C'est-à-dire que le poste d'aiguillage a eu l'appel de détresse, a déclenché les signaux rouges, c'est-à-dire a bloqué tous les trains, mais a bloqué les aiguillages. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas réaiguiller le train vers une voie de garage où il aurait peut-être tapé une autre rame. Et surtout, il serait resté en surface et non pas en gare souterraine. Vous voyez, il y a tout ce questionnement. Et tous les verrous de sécurité ont lâché les uns après les autres. Donc là, ce que vous mettez en avant, c'est une série d'erreurs humaines. Au départ. Absolument, il n'y a pas eu de faute, sauf... Alors, quand même. On va en revenir, la technique n'était pas... Série d'erreurs humaines, et ça montrait bien, le rôle de la formation. Ces gens-là n'étaient pas formés, ce conducteur, à gérer en temps réel une telle situation. C'est-à-dire qu'à l'époque, la SNCF ne savait pas simuler... C'était pas comme les pilotes d'avion, quoi. Mais exactement. La SNCF a mis énormément de temps, après l'aviation... à développer des simulateurs de conduite. Il y a des simulateurs comme dans les avions, pareil. Et donc on reproduit des séquences. Bien par sûr. Exemple, là, on aurait dit, voilà, vous vous arrêtez, vous perdez les freins, qu'est-ce que vous faites, qui vous appelez, si vous repartez, voilà ce que vous faites, et hop, on remet en route et on voit sur un écran ce qui va se passer. Ça n'existait pas à l'époque. Et donc voilà un type qui a appris les trucs, et psychologiquement, la pression de ce type, en guillemets, a craqué. Ouais. Comme un pilote peut dire, il y a eu des catastrophes aériennes où le pilote a craqué. Et bien là, il a craqué, il a eu ce qu'on appelle un effet tunnel. C'est-à-dire qu'il était obsédé par l'heure, il fallait que je ramène mon convoi en gare, et il a complètement bypassé le fait qu'il n'avait pas de frein. D'autant plus qu'un conducteur de train, si je ne m'abuse, il est seul dans sa cabine. Oui. Contrairement à des pilotes d'avion, qui sont au moins deux. Oui. Enfin, les avions, lui. Il y a des fous pour penser qu'on va les supprimer. Alors, tout de même, le matériel, les petits gris, là, ces trains du réseau de banlieue. Les Z5300. Bon, c'était quoi? C'était du bon matériel ou pas? Non, c'était du bon matériel, mais la technologie, enfin l'aménagement, par exemple, la proximité de ces deux robinets l'un à côté de l'autre, ça aurait dû être une analyse de sécurité, aurait dû dire attention, on peut lorsqu'on touche à ce robinet-là, on peut accrocher à un autre, on peut voilà, vous voyez, ça c'est des analyses de sécurité. Si je fais ça, si je décide ça, qu'est-ce qui va se produire? C'est ce qui traîne dans l'aéronautique. L'aéronautique le fait très bien, et heureusement maintenant le chemin de fer tient compte de l'expérience de l'aéronautique. Alors, vous avez couvert l'événement, donné ses explications, vous avez vu la situation réellement. Que s'est-il passé ensuite? Quelle leçon la SNCF a-t-elle tirée de cette catastrophe? Parce que c'est le domaine même de l'accidentologie. Parfois, l'accidentologie nourrit la sécurité. Bien sûr. Bon, s'il faut passer par 57 morts, c'est terrible. Mais parfois, ça nourrit la sécurité. Il faut tenir compte toujours des leçons, tirer les leçons d'un accident. Alors, ils ont révisé tout de même la formation et l'information des conducteurs. Les procédures sont très lourdes, c'est des procédures écrites à la SNCF. Et il n'y avait pas, je vous dis, les simulateurs. Deuxièmement, on a dit, on va mettre maintenant des heurtoirs en bouquet, parce que ça peut se produire. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les heurtoirs, les taquets, sur lesquels la machine peut venir s'appuyer. On le voit dans les gares, à l'extrémité des quais. Pas s'encastrer, s'appuyer. Voilà. S'appuyer. Ah, oui. Enfin, même si ça tape à 10 à l'heure, ça tape. Mais ça passe. Mais ça encaisse. D'accord. Et donc, on les a mis avec des vérins hydrauliques pour absorber le surplus d'énergie et ne pas transformer ce choc en catastrophe. Il y aurait de la casse, mais ça ne serait pas une catastrophe. Donc ça, c'est les enseignements directs. Et surtout, la formation des conducteurs, comment gérer une situation en détresse qui peut dériver sur une catastrophe. C'est ce que l'on fait avec les pilotes d'avion. Si je fais ça, qu'est-ce qui se produit ? Et maintenant, comment je vais venir ? Quel choix je fais ? Vais-je me détourner ? Vais-je me poser ? Vais-je faire une remise de gaz ? Etc. Ce n'était pas dans la culture de sécurité de la SNCF. Pourquoi ? Parce qu'on considérait que ça restait un moyen de transport sûr. Oui. Cela dit, les avions aussi, et ça n'empêche pas les avions, enfin les pilotes de se former tout le temps. C'est vrai. Mais ils se forment tout le temps. Ouais. Or, la fréquence par laquelle les conducteurs repassaient n'était pas celle des pilotes d'avion tous les 6 mois. Et il n'y avait pas les simulateurs. Mais c'est surtout, je crois, il faut repenser à ce qu'était cette grande maison que j'aime beaucoup, mais qui avait d'énormes défauts, des très lourds. C'est une hiérarchie très pesante, très hiérarchisée, avec des procédures qui sont écrites. Et on doit les appliquer à la lettre, sans les discuter. Voyez ? Et donc un manque de souplesse complet dans la formation, le mode de formation des gens. Et ça y est, c'est fait maintenant. Mais il a fallu, malheureusement, c'est catastrophe. Il y avait le problème des contrôles, là c'était pas le cas, il y a eu Melun. Melun, qui était quelque chose de terrible, vous vous souvenez, il y a le 20h Paris, un train de nuit, et qui va taper un train en travers, un train de marchandises qui passe, qui avait brûlé le rouge. Ouais. Boum ! Catastrophe énorme. Et là, ça a imposé, on s'est dit, mais pourquoi il a grillé un rouge ? Bon, ça c'est une erreur humaine. Il aurait fallu... Et donc on a mis en place un système de contrôle de vitesse, et dès que je franchis un signal au rouge, immédiatement, je serre les freins en automatique. Vous voyez ? Ouais. Ça a été le contrôle de vitesse imposé avec des balises dans la voie. Enfin, ça a été fait, mais il a fallu un accident pour le faire. On n'a pas parlé des aiguilleurs dans l'enchaînement. Dans le récit, les aiguilleurs, c'est dit, mais qui est ce train, pas. Quoi mais, le, mais bien sûr, sans c'est arrêt, ça. Lui demander, identifiez-vous. Le type, vous voyez, là aussi, dans le message... Et dans la panique, il oublie la formation de base. Et il n'y avait pas les moyens radio d'aujourd'hui, il n'y avait pas les téléphones cellulaires. Aujourd'hui, ils sont en liaison permanente. Moi, je prends l'exemple du TGV, dont on a fêté les 40 ans hier, de la rame... Toutes les minutes, il y a un signal, non ? C'est ça ? Hein ? Voilà, mais, mais bien sûr, dans le TGV, il a le téléphone portable et il est en liaison sans arrêt avec le PAR, poste automatique de régulation, qui est à la gare de Lyon, où là vous avez tracé de toute la ligne, vous savez où est votre train, vous voyez le point lumineux, vous savez la position des signaux, de l'alimentation électrique. À l'époque, on ne l'avait pas, ça. À l'époque, vous savez comment ça se passait ? Eh bien, quand le chef de gare voyait passer un train, il y avait les chefs de gare à l'époque, il voyait passer le train, il prenait le téléphone, la manivelle, allô, PRS, on appelait le régulateur, ben, le 412 vient de passer, rien à signaler, RAS. Et donc le régulateur notait et on traçait le graphique d'avancement du train à l'époque. C'était ça, le chemin de fer. Ouais. Était en train d'une génération. Mais aujourd'hui, avec les liaisons, enfin, et qui fonctionnent ? Alors que là, c'était des liaisons radio. On a tous connu ça avec Radio Com 2000. Des liaisons radio, c'est-à-dire il y avait un poste qui couvrait dans une gare, relayé par une autre gare de temps en temps. Ce n'était pas en continu, c'était de point à point. Ouais. Alors, on va écouter une archive. C'est Marcel Andouard qui parle. Marcel Andouard, il est secrétaire général adjoint de la CGT Cheminots. Il s'exprime après un énième incident survenu, survenu quelques jours après celui de la gare de Lyon. Beaucoup moins grave que celui de la gare de Lyon, le plus grave depuis 50 ans. Mais écoutez. Et ces incidents en ligne sont de plus en plus fréquents. Ils ont des causes diverses, soit des problèmes d'entretien de matériel, soit des problèmes de signalisation, soit des problèmes d'entretien de la voie. Et c'est tout cet ensemble qui fragilise, si vous voulez. Vous mettez en cause les cadences de travail ? Il y a également des problèmes de conditions de travail, et notamment des conditions de travail pour les personnels de la région parisienne. Si vous voulez, en région parisienne, il y a le phénomène suivant. C'est qu'il y a de plus en plus de voyageurs et qui voyagent de plus en plus loin. Le problème aujourd'hui, c'est de dire, trouvons les moyens pour remédier à cette situation et refaisons de la SNCF l'entreprise où l'on voyage avec le plus de sécurité. Ça, c'était il y a 30 ans. Un vœu pieux, hein ? Oui, oui. Et est-ce que ça s'est amélioré depuis 30 ans ? Réponse... Fort heureusement, oui, mais, il y a eu tout de même Bretigny. Il y a eu Bretigny dont le procès va avoir lieu. Ah oui. Mais qui, à mon avis, n'aurait jamais dû se produire, Bretigny, si les gens avaient fait leur boulot. C'est-à-dire si on avait... Résumons ce qui s'est passé à Bretigny. À Bretigny, c'est un bivouac, c'est-à-dire... Le train, il roulait à 130 à l'heure, il partait de Paris, il allait sur Vierzon-Orléans. Mm-hmm. Et il traverse la gare et à l'entrée de la gare de Brétigny, il y a un aiguillage. Seulement, cet aiguillage était, disons, très mal entretenu, doux euphémisme, pour dire délabré. Ouais. Et donc, au passage, la motrice est passée, les premières voitures sont passées, mais entre-temps, une pièce métallique, une éclisse, c'est-à-dire c'est des grosses pièces métalliques qui pèsent près de 10 kilos et qui servent à relier les rails, les laisser dans l'alignement l'un des autres, les boulonner, si vous voulez. Mm-hmm. Bon, eh bien, elle s'est soulevée, elle a pivoté, elle est venue obstruer une partie de l'aiguillage, et la voiture, je crois la voiture numéro 4, est montée sur cette pièce, et donc elle a déraillé. Déraillant, eh bien, elle est partie sur l'autre voie d'à côté, au lieu d'aller tout droit. Cette voiture a entraîné le reste du train, qui a fait un bivouac, c'est-à-dire une partie du véhicule est restée sur la voie normale, et l'autre, elle est partie. Et vous avez cette voiture qui s'est couchée, qui a balayé le quai. Il y a eu que, je crois, 7 morts, enfin, de très nombreux blessés. Mais cet accident n'aurait jamais, jamais, à mon avis, dû se produire si on avait entretenu correctement et fait les opérations de maintenance. Alors, ça nous renvoie à quelque chose qui se dit, je vais vérifier auprès de vous si c'est la réalité, l'état des lignes secondaires. Parce que le chiffre d'affaires de la SNCF, il se fait beaucoup sur le TGV, donc on soigne le TGV aux petits oignons, pour résumer, hein, et oui, on laisse un réseau secondaire qui n'est pas mais à c'est la hauteur. Vrai, mais c'est vrai, mais comme la SNCF, il faut bien le reconnaître, aussi avait délaissé la banlieue. La banlieue, de vous à moi, c'était emmerdant. La banlieue, ça pose des problèmes. Ça coûte très cher à entretenir. Et le matériel s'use beaucoup, parce que c'est du matériel qui s'arrête, repart, les portes s'ouvrent, se ferment. Le matériel est soumis à très, très, très rude épreuve, et donc demande beaucoup de maintenance. Et donc, priorité a été donnée, c'est vrai, au TGV, formidable réussite internationale. Oui, d'accord. Mais au détriment du reste. Et c'est vrai qu'on a laissé les petites lignes aussi, les lignes dites secondaires, c'est-à-dire à moins de trafic, se délabrer. Et alors la politique, ça a été de dire, on n'investit pas, ça coûte cher. De toute façon, c'est pas rentable, au nom de la rentabilité. Et donc, on réduisait les vitesses. On réduisait, comme le train risquait de dérailler, au lieu de rouler, mettons, à 120, on roulait à 80. Au lieu de rouler à 80, on roulait à 60 et tout. Et comme on roulait lentement, les voyageurs, ils ont leur voiture, ils préféraient prendre la voiture, et donc il y a moins de clients, et comme il y a moins de clients, c'est encore moins rentable, etc. Donc on est dans une spirale descendante, et qui est arrivée à la fermeture d'un certain nombre de lignes. Et la fermeture, notamment, au passage, des lignes d'autotrain. L'autotrain, c'est quand même une réponse à une nouvelle façon de... Ce qu'on appelle le train autocouchette. Le train sur lequel on met les voitures et les motos, d'un point de vue écologique, c'est bon, d'un point de vue sécurité, c'est bon. Bien sûr. Et on en ferme les unes après les autres. Chaque année, il y en a une ou deux qui ferment. Mais non, mais parce que, encore une fois, je l'ai utilisé personnellement, ayant le chemin de fer. Mais oui, et c'était Paris-Saint-Raphaël qu'on utilisait. Il y a eu Paris-Lyon, Paris-Avignon, il en reste deux, je crois. Vu la qualité de service qui était proposée, parce que c'est ça à l'usager, la qualité de service, c'est-à-dire il fallait venir de telle heure à telle heure, deux, trois heures avant, il n'y avait même pas une cafétéria pour le client, enfin c'était le manant si vous voulez, là, pauvre vieux, tu mets ta bagnole là-dessus, et puis il fallait la récupérer à l'autre bout dans une voie de débord, dans une gare de marchandises, donc pas commode. Vous voyez ? Donc la qualité de service n'est pas... Mais si la qualité de service y est, les gens ne sont pas fous. Si vous mettez une ligne de... Regardez, vous faites Paris-Bordeaux en deux heures, quelle merveille ! Regardez, le trafic a augmenté. Alors que les gens prenaient l'avion, c'est tout. Si la qualité de service est là, les gens ne sont pas fous, ils prennent le train. Michel Chevalet, il nous reste une minute. C'est quoi pour vous le train du futur ? Les trains autonomes, par exemple ? Non. Bien, ça c'est clair et précis. Ah non, mais folie, absurde. Il faut toujours la présence d'un homme à bord. Oui. Vous ne savez jamais, vous avez beau utiliser la probabilité avec laquelle ce serait. Et surtout, en cas de situation de détresse, c'est-à-dire non programmée, seul l'homme peut reprendre. Il faut toujours maintenir l'homme à bord. Il est assisté par de l'électronique, mais ça, bien sûr. Mais il faut toujours là pour la décision ultime, ce soit lui. Bien, merci infiniment Michel Chevalet pour tous ces éclairages et puis aussi pour ces témoignages, parce que vous n'avez pas fait que parler de cette affaire, vous l'avez vu et vous avez découvert ce tableau horrible. Et ça, c'est une autre dimension. C'est notre métier de journaliste, on est confronté, vous le savez. Le terrain et l'analyse. Voilà. Merci infiniment, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, catastrophe ferroviaire, la gare de Lyon, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Maët.